الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. L'ensemble des louanges revient à Allah seul, qu'il couvre d'éloges et salue celui après qui il n'y a plus de prophète. Nous continuons dans la lecture de ces quelques principes de la religion négligés par certains malgré leur caractère élémentaire et capital. Et nous en arrivons au troisième principe, à savoir se concerter avec les personnes aptes et habilitées. En décrivant ses pieux serviteurs, Allah a dit « وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » La sourate Shura, le verset numéro 38. Ceux qui répondent favorablement à l'appel de leur Seigneur souverain accomplissent la prière et dont les affaires sont l'objet de concertation entre eux et qui, de ce dont nous leur avons octroyé, font largesse. Le Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di, décédé en 1376 de l'Égypte, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en explication de ce verset, cela signifie qu'aucun d'entre eux ne se marginalise par son opinion à propos de la moindre affaire commune. Ce comportement est d'ailleurs le résultat de leur union, de l'harmonie qui règne entre eux, de l'amour et de la compassion qu'ils vouent les uns aux autres et de la complétude de leur raison. C'est ainsi que, lorsqu'ils visent une affaire qui nécessite réflexion et analyse, ils se réunissent, se concertent et l'étudient ensemble jusqu'à ce que leur apparaisse clairement qu'il y ait un intérêt à la concrétiser et que de ce fait, ils s'y lancent activement. Voir Taïsir al-Karim al-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan à la page 900. Enfin, notons que la gravité du non-respect de ces quelques principes, pourtant rudimentaires, ne va qu'en augmentant. À savoir donc notamment les trois principes que nous avons abordés. D'autant plus que la portée des agissements qui s'y opposent ne se limite plus à de simples assises restreintes, mais s'étend plutôt à la sphère publique et sociale, ceci notamment suite à l'apparition de nouveaux moyens de communication et de publication, et à la généralisation de leur utilisation. C'est ainsi qu'on peut à présent constater la diffusion massive d'interventions de bon nombre d'individus se prononçant à propos de sujets sensibles touchant au sort de tout ou partie de la communauté sans connaissance ou de manière inappropriée et précipitée, ou de manière isolée, sans consulter les hommes de savoir ni les personnes chargées de se prononcer dans les affaires en question. Certains se lancent même dans des propositions hasardeuses ou émettent des réflexions portant sur ce genre de sujet, alors que la communauté a besoin de solutions concrètes et sûres. Or, ces manières d'agir ont été blâmées dans les textes. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a notamment dit « Lorsque le sens de la responsabilité se perdra, attends-toi à l'avènement prochain de l'heure. » Que vises-tu par la perte du sens de la responsabilité ? Lui fut-il dit. Lorsque les affaires seront renvoyées à autres que ceux qui sont habilités à les traiter, alors attends-toi à l'avènement prochain de l'heure, répondit-il. Et c'est un hadith qui a été recueilli par Al-Bukhari dans son authentique, d'après Abu Huraira. Abu Hassin, décédé en 128 de l'Hégire, a dit « Certains délivrent des fatwas liés à des questions à propos desquelles Omar ibn al-Khattab aurait réuni les participants à la bataille de Badr si elle lui avait été présentée. » Ce récit a été recueilli par Al-Bayhaqi dans Al-Madkhal. La prudence est donc de mise afin de ne pas être sous l'effet du blâme exposé dans ces quelques textes, à travers lesquels la dangerosité des agissements en question et la gravité du cas de ceux qui s'en rendent coupables sont établis de manière claire. La retenue, la pondération et la connaissance que l'individu doit avoir de sa valeur et de sa place doivent également être de rigueur afin de ne pas se retrouver acteur des phénomènes négatifs annoncés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Des années traîtresses vont se présenter aux gens. Le menteur, il sera considéré véridique, alors que le véridique, il sera considéré menteur. La confiance sera accordée au traître, alors que le digne de confiance sera considéré tel un traître. Et le piètre individu prendra la parole. Qui vises-tu par le piètre individu ? Lui fut-il demandé. L'homme insignifiant qui se prononce à propos des affaires d'intérêt général. Répondit-il. Et ce hadith a été recueilli par Ibn Majah, dans Sunan, d'après Abu Huraira, dont la narration a été jugée correcte par le Sheikh Al-Albani au regard de l'ensemble des chaînes qui la consolident dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, sous le titre « Cela ne correspond-il pas à cette époque ?» Nous terminons sur ça aujourd'hui et continuerons et conclurons la fois prochaine si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.